Chapitre 12. Wolfram trouva Tranquillin qui l'attendait sous le péristyle de l'hôtel occupé par Madame della Sorga, et tous deux se dirigèrent vers leur demeure en s'entretenant de la sorte. « Sylvia, dis-tu, désire me voir le plus tôt possible ?»« Oui, Seigneur. Est-ce qu'elle est souffrante ?»« Mon honorée maîtresse, en revenant de la maison de location, était pâle et si faible qu'elle a dû accepter mon bras pour gravir les marches du perron. »« Pauvre enfant !» Elle a dû être si cruellement impressionnée par le désespoir d'Antonine lorsqu'elle aura su le suicide d'Albert Gérard, pensait Wolfram, et il reprit tout haut. Qu'avais-tu de plus à m'apprendre, Tranquillin? Ah, Seigneur, Seigneur, quelque chose d'énorme. Qu'est-ce? Quelque chose de monstrueux, à quoi mon honneur maître ne voudra point croire. Enfin, qu'est-ce? J'étais paisiblement dans mon bureau, occupé de mes comptes, lorsque ce digne Saturne introduit chez moi une dame, en me disant qu'elle aspire à louer l'appartement vacant au premier étage. Je quitte mon bureau, je m'incline préalablement devant cette dame, puis je l'envisage, et alors? Oh, Seigneur! Eh bien, je m'aperçois que ce n'est pas une dame, pas même une femme. Qu'était-ce donc? Une créature, répond Tranquillin, levant ses grands bras vers le ciel. Oui, Seigneur, une véritable créature. Que diable me contes-tu là? Est-ce que nous ne sommes pas tous des créatures? « Ah, mon honoré maître, il y a Dieu merci, créature et créature. Achève donc. Je vous disais, Seigneur, que dans cette audacieuse postulante à la location du premier, je reconnus une créature, dans la plus déplorable acception du mot. Et comment parvins-tu à cette découverte, sagace Tranquillin? Je l'avais déjà rencontrée. Ah, monsieur Tranquillin, vous avez de pareilles connaissances. Seigneur, pouvez-vous le supposer, bonté divine, le hasard seul m'a permis de... « Soit. Comment se nomme cette personne? Qui est-elle? »« Ce qu'elle est, je n'ose par pudeur le révéler à mon honoré maître, quant au nom de la créature. Continue donc. Il faut arracher les paroles une à une. C'est que son nom, Seigneur, si tant est que ce soit un nom, est tellement inconcevable que... »« Il n'importe, dis-le. »« Cri-cri, » répond Tranquillin, rougissant d'une indignation rétrospective, et levant de nouveau ses grands bras vers le ciel. « Est-il possible? Une cri-cri dans la maison du bon Dieu? » « À merveille !» reprend Wolfram, se rappelant l'entretien de cette fille avec Saturne, entretien auquel il avait assisté inaperçu d'elle. « Mademoiselle cri-cri est donc, selon ton langage, postulante à la location de l'appartement vacant du premier étage. »« Oui, Seigneur. Elle a l'effronterie de le postuler. Elle le postule, la drôlesse. » Tranquillin, cette expression est déshonnête, j'en conviens, Seigneur, mais l'indignation me l'arrache. Il ne faut point cependant vous départir du respect dû à nos locataires. Certes, Seigneur, je les vénère, mais une simple postulante, surtout lorsque c'est une cri-cri. Dès aujourd'hui, dès 7 heures, elle fait partie des locataires de la maison. Quoi ? Balbutie Tranquillin, stupéfait. Quoi, vous voudriez ? Tu loueras l'appartement à cette honnête demoiselle. Bonté divine, mais Seigneur, vous n'y pensez pas. Je tiens absolument à ce que Mademoiselle Cricri demeure séant. L'ai-je bien entendu? L'ai-je bien entendu? Oui, et qui mieux est, je logerai gratis cette donzelle. Je la paierai, s'il le faut, pour la posséder ici. C'est différent. C'est très bien, mon honoré maître et roi dans sa maison. Répond Tranquillin, essuyant la sueur que sa stupeur croissante fait perler à son front. « Mon devoir est d'obéir à mon maître. Permettra-t-il du moins une humble observation à un vieux serviteur ?»« Parle, mon digne Tranquillin. Nous possédons déjà dans la maison du bon Dieu, quel sarcasme, un forçat libéré et son chien, bonhomme. Ces deux repris de justice sont, il est vrai, d'honnêtes gens, malgré les apparences contraires. Mon honoré maître l'affirme, je le crois. Tu dois le croire. Mais par contre, mon pauvre Tranquillin, nous possédons ici, sois discret. Ah, Seigneur, ma discrétion, je la connais. Aussi te dis-je que nous possédons séant de si grands scélérats que la maison du bon Dieu devrait s'appeler la maison du diable, car les méchants y sont en majorité. Or, il importe peu, ou plutôt, il importe beaucoup, que ta drôlesse vienne augmenter cette bande d'affreux coquins. Qu'il en soit alors, selon les vœux de mon honoré maître, il a ses vues qu'elles s'accomplissent. Il ne pourra en résulter que le bien et le juste, dit gravement Tranquillin. Mais ne craignez-vous pas, Seigneur, les réclamations de cette majorité d'affreux coquins Ils se montreront probablement d'autant plus offusqués d'avoir pour colocataire Mademoiselle Cricri que plus scélérera-t-elle leur hypocrisie. Ceux-là qui se trouveront blessés du voisinage de cette fille quitteront la maison. Telle sera ton inflexible réponse à toute réclamation au sujet de Mademoiselle Cricri. Tu m'entends ? Oui, Seigneur. Et maintenant qu'elle est devenue de postulante locataire en titre, elle a droit à tous mes respects, sans compter que... Pourquoi t'interrompre ? Mon honoré maître sait que son fidèle tranquillin est muet comme la tombe au sujet des secrets qu'il doit garder. Certes, je connais, te dis-je, ta discrétion, ta fidélité à toute épreuve, bon et digne serviteur. Je ne voudrais donc pas, Seigneur, être soupçonné par vous de vouloir indiscrètement pénétrer vos desseins en admettant séant Mademoiselle Cricri, et cependant, je me dis que ces desseins, elle doit sans doute les servir. Certes, et grandement, mais à son insu. Je me permettais cette question afin de savoir, Seigneur, si vous n'aviez pas d'ordre particulier à me donner au sujet de l'établissement de cette demoiselle dans la maison. Non, répond Wolfram après un moment de réflexion. Non, je désire seulement qu'elle vienne demeurer ici le plus tôt possible, car c'est vraiment le diable qui l'envoie dans la maison du bon Dieu. En ce cas, qu'elle y soit, Seigneur, la bienvenue, répond Tranquillin avec une sorte de componction. Quant à s'établir ici le plus tôt possible, c'est l'unique désir de cette demoiselle. Elle tenait même à venir coucher ici cette nuit. Tant mieux, tâche qu'elle persévère dans cette résolution. Ceci est fort important. Je ferai donc de mon mieux à ce sujet. Où est-elle à cette heure ? Dans mon cabinet, où elle attend votre réponse. Va donc la retrouver. Tu la conduiras dans l'appartement afin qu'elle le visite. Elle m'a plusieurs fois répété que peu lui importait l'appartement et que ce qu'elle voulait avant tout, c'était loger ici. Quoi qu'il en soit, si elle désirait quelques meubles plus somptueux, quelques ornements plus riches dans son appartement, accorde-lui tout ce qu'elle demandera. Tu viendras m'apprendre si elle se décide à coucher ici cette nuit et si quelque incident, quelque remarque te frappe à son sujet, tu m'en instruiras sur le champ. Oui, Seigneur. Je vais rejoindre Sylvia. Tu me trouveras chez elle. Ajoute Wolfram en gravissant les degrés du perron de l'hôtel devant lequel l'intendant et son maître étaient arrivés en causant. Tranquillin se rend dans son cabinet en toute hâte, très empressé, ensuite de son entretien avec son maître, d'apprendre à Mademoiselle Cricri de postulante, elle devient l'une des locataires de la maison du bon Dieu.